Selecta pour tous les mecs qui bouffent des kebabs et qu'on en marre d'avoir la viande dégueulasse dedans. Des trucs faits à l'arrache avec des tomates pourries, la salade dégueulasse, du fromage bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, tu sais qu'on a déjà tapé des kebabs relous en fin de soirée avant d'y aller et tout. On a plein le cul maintenant, on veut de la balle de voûte, mec, de la balle. T'es musulman, man, t'inquiète, y'a pas de saucisses. Viens donc chez Rôtis, t'auras de l'aile et de la cuisse. T'as trop la dalle, man, tu veux plus qu'un petit suisse. Viens donc chez Rôtis, préparation MDD. Tu sors du taf, il est midi, tu as bon appétit. Tu ne sais pas de quoi tu as envie, mais d'un truc de folie. Tu boycottes le chou, les épinards et les brocolis. Pas de resto qui fout en retard avec des plats qui s'ennuient. Je te propose une balle de Twitch qui ne te filera pas la quiche. Préparé avec de la bonne miche et pas besoin d'être riche. T'es musulman, man, t'inquiète, y'a pas de soucis. Viens donc chez Rôtis, t'auras de l'aile et de la cuisse. T'as trop la dalle, man, tu veux plus qu'un petit suisse. Viens donc chez Rôtis, préparation MDD. Tu sors chez toi, il est 8h, prêt à faire un malheur. Le vent qui crie, c'est une horreur. Et pas de pâte au beurre, il fait bien froid. Écoute ton cœur et ne fais pas d'erreur. T'as besoin d'un peu de vigueur et d'un peu de fraîcheur. Un gros casse-là, de la balle qui cale sans mal. Et pas dans un truc sale. Un truc qui fait que tu t'appales mieux qu'un bon steak charal. T'es musulman, man, t'inquiète, y'a pas de soucis. Viens manger Rôtis, t'auras de l'aile et de la cuisse. T'as trop la dalle, man, tu veux plus qu'un petit suisse. Viens manger Rôtis, préparation MDD. Tu reviens de chou, t'es tout mou, t'es un pistol à bout. Il ne te reste que quelques sous, mais t'as une fin de loup. T'es prêt à te souiller les joues et à prendre l'autre jour. T'as envie de grailler, c'est un truc de fou. Tu vois la boue partout, suis donc les parfums tout doux de la nourriture bijou. Qui rend les autres jaloux avec leur kebab relou. T'es musulman, man, t'inquiète, y'a pas de saucisse. Viens donc chez Rôtis, t'auras de l'aile et de la cuisse. T'as trop la dalle, man, tu veux plus qu'un petit suisse. Viens donc chez Rôtis, préparation MD10. Tu kiffes les balles de douche, fils et titras, fils à fils à. Fini de celle à jouer complice avec de la sauce harissa. Plus de pain sans goût à riz, ni les odeurs de sales endroits où le garçon qui sent la pisse prépare ton douche avec les doigts. Le patron ici, mon fils, crois-moi, ne t'arnaquera pas. Il a oublié ses vis à l'intérieur, c'est une autre loi. Les commandes sur le bar ça glisse puisque le client est roi. Pour les poteaux, il fait gratis, alors teste-le, mon gars. T'es musulman, man, t'inquiète, y'a pas de soucis. Viens donc chez Rôtis, t'auras de l'aile et de la cuisse. T'as trop la dalle, man, tu veux plus qu'un petit suisse. Viens donc chez Rôtis, préparation MDD. T'es une petite meuf, tu fais attention à ton petit bidon. Tu ne veux pas qu'il devienne plus rond, la balance au plafond. Toi tu bouffes bio et diététique, limite anorexique. Des trucs chelous, tu coupes la chic qui coûte pas mal de trucs. Il faut que de te dégoûter avec tes petits trucs suspects. Je t'invite à venir déguster. T'es musulman, man, t'inquiète, y'a pas de soucis. Viens donc chez Rôtis, t'auras de l'aide.